Le chant du cygne. Les mots hurlent, me triturent et me torturent. Mais là, de mes fadaises, les mots désormais se taisent. J'ai mis le gémeau meurtri, poète maudit, indigne de recevoir la faveur insigne de son ultime chant du cygne. Artiste raté, rêveuse invétérée, bavarde muselée, privée de mots, dont l'inconscient parfois s'agite et dans un sursaut tout le dico régurgite. Bâillonné, censuré, emprisonné, enfermé, cloîtré, claquemuré, séquestré, exilé, sur le quai de la vie, injustement oublié. J'ai mot sans mot, né sous le signe du « j'ai mal », écrasé sous un tombereau de mots peu banals qui, au final, dans l'indifférence générale, lui seront fatales. J'ai mal, cri primal, cri tribal, viscéral. J'ai mal, ascendant solitude jusqu'à la finitude et l'absolue décrépitude, c'est une certitude. Condamné au silence hurlant, au perpétuel confinement, au total isolement, mais de joie généreusement dotée et gâtée, par les rêves, mystérieusement alimentés et sauvés, par l'espérance, miraculeusement bercée et dorlotée, l'austère poète, muette devenue pipelette, désespérée guillerette, de rêves longtemps miettes, les visions plein les mirettes, sans tête, et courant peut-être à sa perte, poursuit sa quête. Pour elle, pour tous ses semblables, les éclopés, les fêlés, les blessés, les meurtris, les insoumis, les incompris, les bannis, les sans-amis, tous les innommables, les inconsolables, les improbables, les inclassables, les irréparables, les incurables, de la vie, du bonheur, les parias intouchables. Doté d'un incomparable et indomptable instinct de survie, bien que désormais privée de toute énergie, elle chausse les bottes de 7 lieues, prête à formuler ses 7 vœux. Non, seulement 3. Désormais, en un seul résumé, elle en fait foi. Elle souhaite faire tous les vœux qui lui plairont, pour que vivent toutes ses passions, aspirations et inspirations, sans limites, hésitations ou restrictions. Peu importe les réactions et réflexions. Tout n'est plus que vital, fatal ou infernal dérision, n'admettant aucune capitulation. Autrefois le cœur en fête, désormais l'âme défaite, sans illusion, en proie à 1000 visions, questions et devinettes, de promesses rêvant une fructueuse cueillette. Souffle le vent violent, la tempête dans son sanctuaire, sa pauvre tête qui déjà regrette les impudiques, laborieux, mais impérieux, aveux d'une secrète solitaire. De l'insondable, l'insoutenable, déplorable, inexcusable et impardonnable, arbitraire de sa non-vie, sonne la lalie. Tout bientôt sera fini. Pas de prétoire, nul échappatoire ou exutoire pour cet animal de foire drapé de noir moire, nourri au Saint-Ciboire. Jusqu'à la lie, le calice de la terreur, du malheur, de la douleur, devant boire, sans pleurs ni caprices. Que de supplices et sévices, enfin, finissent. La paix, quelle délice! De son cachot, sa tour d'ivoire, bientôt son tombeau, la mémoire flanche, l'âme meurtrie s'épanche, la soif d'absolu s'étanche. Doute blasphématoire et espérance incantatoire de son âme, se dispute le territoire. Pour continuer à rêver, espérer et croire, malgré les chagrins, les tribulations et afflictions sans fin, jamais elle ne renâcle. Toujours elle tacle les débâcles qui se renouvellent et s'amoncellent. Inlassablement, ses prières elle martèle et au divin miracle en appelle. Elle cherche le secret de la destinée, de la légendaire histoire dans le vieux et saint grimoire. Qu'est infini mais illusoire pour la victime expiatoire de l'éternelle malédiction dont vie, paraît-il, est le doux nom. Clarissandre.